Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Fagette pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Mi-Science Impossible est une émission durant laquelle les agents Justine, bonjour Justine. Et bonjour Bertrand et bonjour à tous. Gaëtan, bonjour Gaëtan. Bonjour Bertrand, bonjour Justine et bonjour à tous nos auditeurs. Et moi-même, tous les trois élèves à l'ENSIC, vous explique à chaque émission le fonctionnement de quatre phénomènes physiques ou chimiques. Juste pour information, l'ENSIC, c'est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle ou tout simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie entre autres la physique et la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Et maintenant, entrons dans le cœur de notre émission, parce que c'est comme ça qui nous intéresse, et découvrons l'ensemble du programme d'aujourd'hui. Justine, de quoi vas-tu nous parler ? Alors en premier, je vais vous parler de comment les abeilles fabriquent le miel. Alors, étant un grand fan de miel, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Tu veux aussi nous parler d'autre chose, je crois, non ? Effectivement, cette chronique est la première d'une petite série parlant du thème du nucléaire. Et aujourd'hui, on va parler de la préparation du combustible. J'adore les chroniques qui suivent. Et le nucléaire est un sujet passionnant. Gaëtan, quelle sera ta direction pour aujourd'hui ? Eh bien, pour ma part, je vais vous parler de nos amis les bêtes, et plus précisément des chiens, et surtout de leur odorat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'animaux. Bonne idée. Enfin, j'ai dit plutôt ta direction, mais tes directions, vu que t'en as une deuxième, je crois. Oui, je vais ensuite vous parler de la piézoélectricité. Alors, je suis absolument pas sûr de ce que c'est, donc raison de plus pour être encore plus attentif à ce que tu vas dire. Mais bon, trêve de montanité, il est temps de rentrer dans le cœur du sujet. Alors, la piézoélectricité, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Ça a l'air bien compliqué. Mais non, vous allez voir que même si vous ne connaissiez pas ce mot avant, la piézoélectricité est un phénomène physique qui est utilisé dans des objets de la vie courante. Vous verrez que vous portez sûrement sur vous un de ces objets au moment où je vous parle. Allez, on est parti pour découvrir tout ça. Donc, la piézoélectricité, c'est la capacité qu'ont certains matériaux de créer de l'électricité lorsqu'on applique une force dessus, c'est-à-dire quand on les déforme. Pour illustrer ce phénomène, imaginez qu'une assiette en carton est un matériau piézoélectrique. Vous la branchez à deux fils électriques et vous les reliez à une ampoule. La piézoélectricité, c'est le fait que, en prenant l'assiette dans vos mains et en la pliant en deux, l'ampoule va s'allumer. La déformation de l'assiette en carton a créé de l'électricité et ça a permis d'alimenter une ampoule. C'est ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique direct. Mais un matériau piézoélectrique est loin d'avoir la forme d'une assiette. Ça, c'était juste pour l'image, pour bien comprendre. En réalité, c'est plutôt un cristal, comme le quartz notamment, et vous verrez, nous y reviendrons un peu plus tard. Mais alors, dans quel objet de la vie courante retrouve-t-on cet effet direct ? Ne cherchez pas loin, cet effet est utilisé dans un briquet. En fait, quand on appuie sur son briquet, on exerce une force sur le cristal piézoélectrique qui se trouve juste en dessous et qui va légèrement se déformer. À cause de cette déformation, un courant électrique va être généré et une étincelle va se former. Si on se souvient que notre briquet contient du gaz, créer une étincelle permet d'enflammer le gaz et hop, notre briquet s'allume. Sympa comme mécanisme, n'est-ce pas ? Et il y a également un effet piézoélectrique dit indirect. Cet effet indirect est utilisé pour le fonctionnement des montres à quartz. Je vous avais dit que nous y reviendrons. On va rentrer dans le détail et vous allez voir, c'est très intéressant. Ce qu'il se passe dans votre montre, c'est qu'on donne une impulsion électrique au quartz qui est dedans. En réponse, il va se mettre à vibrer, à bouger de manière régulière autour de sa forme habituelle. On dit que le cristal oscille à une certaine fréquence. Autrement dit, il prend un certain nombre de formes différentes par seconde. Cela dit, le cristal n'oscille pas à n'importe quelle fréquence. Le passage du courant dans le quartz va le faire vibrer à sa fréquence propre. Et il y a une petite manipulation que vous pouvez faire chez vous pour vous représenter tout ça. Vous prenez une règle en plastique, vous laissez dépasser une extrémité de la règle en dehors de la table, dans le vide, et vous maintenez l'autre partie avec votre main. Et là, vous appuyez sur la partie dans le vide et la règle va se mettre à vibrer. Si vous laissez dépasser une petite partie, la règle ne va pas bouger. Si vous laissez dépasser une trop grande partie de règle, elle va légèrement osciller, mais pas très longtemps. Il y a une certaine longueur à faire dépasser pour que le bout de la règle oscille avec une grande amplitude et plus longtemps. Eh bien, elle va osciller à ce qu'on appelle la fréquence propre. Pour le cristal, c'est la même chose. L'impulsion électrique, c'est comme le petit coup que l'on donne sur le bout de la règle, et l'oscillation du quartz à sa fréquence propre, c'est comme la vibration de la règle. On arrive au bout de l'explication. Il y a alors dans la montre un élément qui va se charger de compter le nombre d'oscillations du quartz. Et lorsqu'il y en a exactement 32 768, cela représente une seconde, et alors le compteur va ordonner à l'aiguille de la montre de se déplacer, et ainsi de suite. Je ne m'étais jamais questionné sur le fonctionnement d'une montre à quartz et je m'attendais absolument pas à ça. Mais du coup, ça me fait penser, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de trouver comment créer de l'électricité avec justement ce que tu viens de nous expliquer? Eh bien, si, il y a certaines sociétés, dont une société britannique, qui s'est intéressée à la question et qui a créé des dalles à mettre dans la rue ou sous les stades de foot pour que lorsque les passants ou les joueurs marchent dessus, la dalle déforme des capteurs piézoélectriques et la déformation va générer de l'électricité qui va directement aller dans le réseau électrique. Ainsi, on peut alimenter l'éclairage urbain ou celui autour d'un stade. Qui sait, un jour peut-être, les dalles s'illumineront sous nos pas lorsque nous rentrerons chez nous tard le soir, et cela permettra d'économiser beaucoup d'énergie qui est utilisée pour l'éclairage public. Mais comme dirait un grand homme, ce jour n'est pas arrivé. Et pour le moment, nous allons simplement rêver de cette possibilité en écoutant Night Fever des Bee Gees. A tout de suite sur Radio Phagène. De retour sur Radio Phagette pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Et Gaëtan venait à l'instant de nous expliquer le fonctionnement de la piézoélectricité. N'hésitez surtout pas à aller réécouter l'émission si vous avez manqué ça, soit sur YouTube, soit directement sur le site de Radio Fagette. C'est maintenant au tour de Justine de nous parler des abeilles, grâce auxquelles nous pouvons manger du bon miel. Alors, tout commence au niveau des fleurs. Bah ouais, sans elles, y a pas de miel, hein. Vous pouvez alors voir, en majorité, pendant les beaux jours, les abeilles passer de fleur en fleur pour les butiner. D'ailleurs, ceci a une double fonction, puisque en faisant ça, les abeilles sont ce qu'on appelle des insectes pollinisateurs. Elles transportent le pollen récupéré sur une fleur pour aller le déposer sur une autre. Et c'est comme ça que les fleurs se reproduisent. Mais ce n'est pas ceci qui nous intéresse. Nous, c'est plutôt le fait que les fleurs sécrètent un nectar sucré pour justement attirer ces insectes. Les abeilles, dites butineuses, vont alors plonger leur langue dans le cœur de la fleur pour aspirer ce nectar. Elles vont le stocker dans leur jabot, c'est une petite poche située juste avant le tube digestif. Et petite précision, ce nectar est donc composé d'eau et de sucre. Quelques transformations chimiques du sucre vont alors commencer. En rentrant à la ruche, la butineuse va transmettre sa goutte de nectar à une abeille dite receveuse en la régurgitant. Puis plusieurs ouvrières vont se transmettre cette goutte successivement, ce qui va aussi mélanger leur salive. Et dans leur salive, il y a quelque chose d'intéressant, c'est une enzyme. Alors une enzyme, c'est une molécule qui peut casser d'autres molécules. Donc cette enzyme, elle va casser les grandes molécules de sucre du nectar en des plus petits sucres. Il va aussi se passer d'autres réactions qui vont produire des molécules qui auront cette fois pour but de protéger le miel, des bactéries et des champignons par exemple, et donc lui permettre une bonne conservation. Enfin, une abeille va aller le déposer dans une alvéole de la ruche. Ceci fait, l'eau contenue va s'évaporer, notamment d'ailleurs grâce au battement des ailes des abeilles qui vont créer des petits courants d'air. Donc c'est assez étonnant. On dit que le miel est mûr s'il contient moins de 18% d'humidité. Une fois atteint, les abeilles vont refermer les alvéoles avec des fines opercules jusqu'à ce que le miel arrive à maturité et pouvoir ensuite le récolter. Et c'est alors que les apiculteurs récoltent le miel et que nous pouvons le mettre dans notre thé ou sur nos tartines. Ceci dit, quand on pense au miel, on a quand même une odeur très caractéristique qui nous monte au nez. Alors, pour savoir comment cela fonctionne, je vous laisse entre les mains expertes de Gaëtan qui va nous en parler grâce au meilleur ami de l'homme. Je parle bien évidemment des chiens. Tout à fait. Nous allons désormais nous pencher sur la faculté incroyable du meilleur ami de l'homme d'avoir un odorat super développé. Cela lui permet de retrouver la trace de plein d'objets et de personnes, et ceci est utilisé pour la résolution d'un bon nombre d'enquêtes. Pour ceux qui sentent déjà la réponse venir, c'est très bien. Pour les autres, nous allons voir de quoi il en retourne. Tout d'abord, on est en droit de se demander, mais qu'est-ce que c'est une odeur ? Eh bien, pour faire très simple, c'est tout plein de molécules qui sont présentes dans l'air ambiant. Pour se faire une petite image, on va se dire que ces molécules sont des petites billes microscopiques. Elles s'immiscent dans nos narines lorsque nous respirons. Une fois entrées, elles vont être en contact avec des millions de capteurs olfactifs, c'est-à-dire qui sont faits pour ressentir l'odorat, et qui sont disposés sur une surface de 6 cm carrés. Pour vous imaginer un peu la chose, c'est comme si au fond de votre nez se trouve un tapis, un carré de 2,5 cm de côté, et sur lequel se trouvent des millions de poils. Une fois que les molécules stimulent ces récepteurs olfactifs, l'information de leur présence dans le nez est transmise jusqu'au cerveau, qui va identifier chaque molécule à une odeur spécifique. Donc, pour chaque petite bille qui est entrée en contact avec un poil du tapis que représente l'ensemble des récepteurs, une partie de notre cerveau colle une étiquette sur ce que nous sentons. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai précisé qu'une partie de notre cerveau s'occupait d'analyser les informations liées à l'odorat. Et c'est une des différences que nous avons avec nos amis canidés. En effet, pour eux, c'est la moitié de leur cerveau qui est dédiée à reconnaître les odeurs qui les entourent, alors que celui de l'homme n'y consacre qu'une toute petite partie. Autre différence, je vous ai dit que nous avions comme un tapis de 2,5 cm de côté pour accueillir nos capteurs d'odorat. Les chiens possèdent quant à eux un tapis d'en moyenne 13 cm de côté. Vous n'avez qu'à regarder la différence en prenant une règle. Ils peuvent donc reconnaître plus d'odeurs que nous, même certaines que les humains ne sont pas capables d'identifier, car ils ont plus de récepteurs que nous, et les leurs sont bien plus performants. Du coup, est-ce que tu aurais un exemple concret d'odeur que les chiens peuvent capter, mais pas nous, s'il te plaît ? Tout à fait, Bertrand. Tu sais, il y a un dicton qui dit « l'argent n'a pas d'odeur ». Eh bien, ce n'est pas vrai pour les chiens. Eux sont capables d'associer des odeurs au papier et à l'encre qui composent un billet de banque, et avec un peu d'entraînement, les chiens sont capables de retrouver l'argent volé. Et pour terminer sur un fait plutôt étonnant, le super odorat des chiens est aussi mis au service de la médecine pour détecter les personnes atteintes d'un cancer. Il y a en France un chien qui est capable, en reniflant des échantillons d'urine, de reconnaître celui qui est issu d'une personne atteinte du cancer. Cela est possible car il arrive à repérer certaines odeurs dégagées par la maladie, comme le cancer de la prostate, odeurs qui vont se retrouver dans l'urine du patient. Mais ce n'est pas si simple car l'urine laisse s'échapper plein d'odeurs et il n'est pas trop envisageable de faire des chiens de réels détecteurs de maladies cancéreuses. Qui sait, on pourra peut-être dans un futur pas si lointain créer des outils faisant concrètement le même travail en s'inspirant des chiens et ainsi détecter les maladies à l'odeur. Tu me diras, ce serait incroyablement plus rapide que de passer tous les tests qu'on a à faire actuellement. Il est maintenant l'heure de faire une petite pause et on se retrouve tout de suite sur Radio Phagette après Hound Dog d'Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, the crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Retour sur Radio Phagette pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Et Gaëtan venait à l'instant de nous expliquer le fonctionnement de l'odorat de nos amis canins. N'hésitez surtout pas à aller réécouter l'émission si vous avez manqué ça, que ce soit sur YouTube ou directement sur le site de la radio, Radio Phagette. Mais c'est maintenant au tour de Justine de nous transmettre la bonne parole. Justine, nous t'écoutons. Merci beaucoup Bertrand. Alors bon, qu'on soit pour ou non, on ne peut pas nier que l'énergie nucléaire représente la plus grande part de l'énergie produite en France. Pour éclaircir quelques-unes de vos interrogations, voyons ce qu'il se passe dans une centrale nucléaire, dans le réacteur, mais aussi ce qu'on peut faire avant et après. Alors d'abord, parlons de l'élément essentiel, ce qui va produire l'énergie. Vous le connaissez sûrement, c'est l'uranium, donc c'est un élément radioactif. C'est ce qui est ici le combustible. Cet uranium, il pousse pas trop sur les arbres, hein. Donc, il faut aller le chercher dans ce qu'on appelle des gisements d'uranium. On trouve des gisements dans divers pays, c'est pour ça qu'on en importe, mais aussi, on peut aussi en trouver un petit peu en France. Quand on extrait cet uranium, il n'est pas pur, sinon ce serait trop facile, hein. Il est en fait inclus dans un minerai, donc dites-vous, c'est un peu comme une roche. Mais nous, on voudrait l'uranium tout seul, quoi. Donc, on fait subir au minerai différents traitements, comme du concassage ou du broyage, donc on le réduit un peu en poudre, quoi. On y met quelques produits chimiques, forcément, comme de l'acide. Au final, l'uranium va en quelque sorte s'agglomérer dans une nouvelle matrice où il va être beaucoup plus concentré, parce que c'est ce qu'on veut en fait. Mais bon, encore une fois, malheureusement, il ne sera jamais pur. On peut ensuite le sécher et l'emballer, par exemple, avant de lui refaire subir quelques traitements. Cet uranium, on peut aussi le fer un peu changer de composition chimique en l'associant plus ou moins à de l'oxygène ou du fluor par exemple. Mais on a encore un autre petit souci. Alors, j'ai déjà entendu parler de l'uranium 235 et 238, je crois, mais ça doit être un truc comme ça, c'est un degré de pureté. Alors déjà, tu as bien raison au niveau des chiffres. Il y a bien de l'uranium 235 et 238, mais ce n'est pas du tout une question de pureté. Vous allez peut-être vous dire alors qu'est-ce que représentent ces chiffres? Ben, en fait, on dit que l'uranium, donc 235 et 238, sont des éléments isotopes. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Donc, vous avez déjà entendu parler, soit à travers nos émissions, soit de par votre culture personnelle, que les éléments chimiques, ce sont donc des atomes. Et un atome, c'est composé de protons, de neutrons et d'électrons, donc c'est des tout petits éléments microscopiques, et deux éléments isotopes vont être identiques au niveau du nombre de protons et d'électrons, mais pas au niveau des neutrons. Donc tout simplement, l'uranium 235 a 235 neutrons contre 238 pour l'uranium 238. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est le 235. Une fois de plus, on n'a pas trop de chance parce que les minerais sont composés principalement de 238. Donc pareil, on a différents procédés et traitements pour enrichir notre uranium en uranium 235. On a un système qui utilise du gaz et un autre la centrifugation par exemple. Vous savez, la centrifugation, c'est quand on fait tourner très très vite et les éléments sont alors projetés contre les parois. C'est un peu comme quand vous utilisez une essoreuse à salade, en fait l'eau est projetée vers l'extérieur. Et il se trouve donc que le 235 et le 238 ne sont pas projetés au même niveau. Donc on peut mieux récupérer l'un ou l'autre et donc celui qui nous intéresse. Et enfin, on arrive bientôt au bout de la préparation de ce combustible. Notre matière va être mise sous forme d'une poudre noire. On va la comprimer et la cuire pour la mettre sous forme de petits cylindres d'un centimètre de long environ. Toutes ces petites pastilles sont mises à la suite dans des cylindres, ce qui forme ce qu'on appelle des crayons de combustible. On regroupe plusieurs tubes ensemble, ensuite on les mettra dans le réacteur avant que ne commencent les réactions. Mais alors, quelles réactions? Eh bien, ça vous le saurez dans un prochain numéro de Mi-Science Impossible. Je déteste les questions sans réponse. Bon, vous savez quoi? Je vous propose de passer à la partie ludique de notre émission dans laquelle nous avons des questions et leurs réponses. Ça vous dit? Bien sûr. Évidemment. Bon, vous l'aurez compris, on parlait du quiz. Vous savez, entre les confinements, les couvre-feux, etc., bah, j'ai eu pas mal de temps pour traîner sur Internet et trouver pas mal de bêtises. Et j'ai commencé à me passionner pour les records du monde, donc ceux qui sont enregistrés dans le Guinness Book. Et donc, je vais vous poser des questions dessus. Est-ce que ça vous va? Ah, mais évidemment que ça nous va. Il De toute semble façon, vous d'ailleurs n'avez pas le maîtriser. choix, j'ai rien prévu d'autre. On avait Donc, bien insolite en plus. oui. Donc, alors je vais faire. Enfin, il y aura deux questions. À chaque fois, ce sera le même principe. Je vais vous donner cinq records et vous allez me les mettre par ordre croissant. Je m'explique. Si je vous dis quelle est la hauteur maximale à laquelle un homme a réussi à sauter. Je ne sais pas laquelle c'est juste un exemple. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, je vous dis la hauteur du plus haut saut en parachute. Il y en a un qui est plus haut que l'autre. On va dire que celui qui saute, il saute maximum, je sais pas moi, à 2 mètres à peu près, alors que le saut en parachute, ça se compte en centaines de mètres, voire en kilomètres. Ok, ça marche. J'ai D'accord. bien compris. Donc, c'est par ordre croissant. Donc, dans un premier temps, nous allons rester sur les distances. Premier fait. Le premier record dont je vous parle, c'est le record du plus long lancer de saucisse réceptionné dans un pain à hot dog. Vous vous en doutez, c'est aux États-Unis que ça a eu lieu. D'accord. Ensuite, ça c'est le premier fait. Deuxième fait, la distance du plus long dunk qui a été réalisé à l'aide d'un trampoline. Un dunk, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de mettre un panier au basket en tenant le ballon. Ouais. Ça c'est le deuxième fait. Troisième fait, quelle est la hauteur de la plus grosse machine à pop-corn du monde? Celle-là, elle m'a pas mal intéressé. Ensuite, quelle est encore une fois la hauteur du plus gros ours qui a été fait avec des roses et les fleurs, bien précisé. Et ensuite, la dernière distance record, la profondeur de la piscine qui a été faite pour faire de la plongée. Donc, c'est la profondeur de cette piscine. Ok. Mais que des choses très banales, dis donc. Oui, effectivement, je me suis toujours dit que quand je m'ennuyais avec mon cousin, j'allais balancer des saucisses, ça allait être vachement drôle. Déjà que je suis une chèvre dans tout ce qui est sport de lancer avec réception à l'arrivée. Alors, est-ce que vous auriez des idées? Alors moi déjà donc en premier, donc c'est-à-dire la plus grande distance, pour moi, ça serait le bassin pour la plongée. Ouais, pour la Effectivement. plus grande longueur, je serais assez d'accord parce que j'ai déjà vu des choses sur ça et je pense que ça peut aller bien à plus de 50 mètres de profondeur pour pouvoir s'entraîner à la Alors, plongée. on n'est pas à 50 mètres, mais on y est presque. C'est effectivement la longueur la plus longue et la piscine la plus profonde pour faire de la plongée mesure quand même 45 mètres et 45 cm de profondeur. Ce qui est très très loin d'être négligeable, hein, on va pas se mentir. Ça fait un sacré trou. Ouais, ça commence à être une sacrée structure. Il vous reste donc le lancer de saucisse, le dunk, la machine à pop-corn ou l'ours en rose. Alors moi j'ai fait un classement. Donc pour la suite, je ferai en deux la lancée de saucisses, en trois l'ours en fleurs, en quatre la machine à pop-corn et enfin le dunk. D'accord. Et toi, Justine? Je mettrais bien la machine à popcorn en dernier. Juste avant, je mettrais l'ours. Avant, je mettrais le dunk et avant la saucisse, peut-être. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, parce que effectivement, vous l'aurez deviné, le deuxième plus long, c'est effectivement le lancer de saucisse réceptionné dans le pain hot dog, vu que c'est quand même 43 mètres et 60 cm. Ah, quand Attendez, même, oui. oui. C'est Mec, un une sacré image à lancer. passer. Hein. Vous vous êtes trompé sur la suite, malheureusement. Parce que le troisième plus long, c'était le plus long dunk réalisé à l'aide d'un trampoline, parce que ça faisait 10 mètres et 10 cm. Non, Justine a eu bon, je crois. Oui, pardon, Justine a eu bon, excuse-moi, c'est ceux d'après que t'as inversé, Justine. Ok. Ma faute, ma faute. Parce que derrière, c'est la machine à pop-corn. C'est quand même une machine à pop-corn de 7,89 m de haut. Je n'arrivais pas à me représenter la chose, mais... Grosso modo, c'est un immeuble de 3 bons étages. C'est démesuré. On est à peu près là-dessus. Et donc bah du coup par élimination derrière le plus gros ours en rose ne fait que hein, je mets des bonnes guillemets que 6,13 m de haut. Oh, le petit joueur. Ouais, non, on est d'accord, ils auraient pu faire mieux. Je crois que de mémoire il y a plus de 53 000 roses qui ont été utilisées là-dessus, mais bon bref. Donc ça c'était les longueurs. Maintenant nous allons parler de répétition. Par exemple, le nombre de fois que quelqu'un a réussi à casser une noix en 1 minute, le nombre de fois que quelqu'un a, je sais pas, mangé une banane en 1 minute, le nombre de hot dogs en 1 minute, des trucs comme ça. Ok. Je vous ai donné des exemples là, manger, bah, on va rester là-dessus, hein. Donc, le premier fait, c'est le plus grand nombre de myrtilles qui ont été mangées en 1 minute. Je tiens à préciser, elles ont été mangées une à une. C'est pas juste un gros bol qu'on s'est empiffré. Voilà. Ok. Ensuite, quel a été le plus grand nombre de pommes tenues dans la bouche, d'accord? Donc c'est des pommes Non. que vous croquez dedans et vous les tenez comme ça, qui ont été coupées par une tronçonneuse en 1 minute. Oui, je vous jure que c'est un record qui existe. C'est des records à risque. Ouais, c'est des records débiles. Enfin bref. Ensuite, le plus grand nombre de tractions réalisées en 1 minute avec un sac de 60 livres dans le dos. 60 livres, c'est à peu près 27 kilos. Ensuite, quatrième fait, c'est donc le nombre de pop-corn qui a été envoyé et réceptionné avec la bouche en 1 minute. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut tous tester à la maison. Ouais, nous souvent ça tourne autour de zéro. On va pas se mentir, je suis d'accord. Et dernier fait, le plus grand nombre de hula hoop. Vous savez, vous avez tous fait ça quand vous étiez gamin avec les cerceaux, essayer de faire tourner le cerceau autour de votre taille. Ben, il y en a un qui s'est dit que autour de la taille, c'est trop facile, donc il l'a fait autour de son nez pendant 1 minute. Voilà. Et il a un record là-dessus. J'ai que j'en fais zéro autour de la taille, j'imagine même pas avec le nez. Il y a des fous furieux. Qu'est-ce que vous auriez Alors, des je fais un petit classement. Bah déjà, moi, en plus grand nombre, j'aurais mis le nombre de myrtilles, parce que je pense qu'on peut facilement les gober. Donc, je mettrais bien ça en plus grand nombre. Ah, pas moi. Parce que on est d'accord pour le popcorn, il n'y a pas de contrainte de temps. Si, c'est 1 minute. Ah si, aussi 1 minute, ok. Si, J'avais pas tout, entendu. tout est en 1 minute. Moi, en premier, je vais mettre les tractions. Je sais pas, je sens quelqu'un de musclé pour faire Ouais, des c'est vrai. merveilles. Donc les tractions donc en premier, en plus grand nombre. Je mettrais peut-être en deuxième les tractions. Vas-y, Deuxième. bah moi je vais mettre en deuxième les myrtilles. Je sais pas si tu m'as influencé, mais. Alors, En je trois, vais vous je vais donner mettre. un Vas-y. petit, une petite, petite information. Les tractions, c'est effectivement le deuxième, mais en partant de la fin. Oh! Ah ouais? C'est seulement, entre guillemets, enfin, seulement, entre guillemets, seulement 30 tractions en 1 minute. Avec, je le rappelle, un poids de 27 kilos dans le dos. Ah ouais? Bah en troisième, je vais mettre les pop-corns. Oh. Ah oui, mais t'as dit que la quatrième. Le quatrième, c'est les tractions. Mais je suis d'accord avec toi, le troisième, c'est les pop-corns, Ouais, avec j'aurais dit un ça aussi. total de 48 pop-corns qui ont été envoyés et réceptionnés avec la bouche en 1 minute. Ah, pas mal. Et bah allez, je donne un classement définitif. Alors Vas-y. en 1, je vais rejoindre Justine, je vais dire les myrtilles. En 2, je vais mettre les hula hoop autour du nez. En 3, le pop-corn. En 4, les tractions. Et en 5, les pommes avec la tronçonneuse. Justine, le rejoins-tu? Je mettrai ouais, pomme en dernier aussi. Bah écoute, je vais partir sur la même chose, hein. Eh bien, tu as raison, effectivement, parce Ah. que alors la personne qui a fait ce record, qui a fait donc le premier record a donc mangé 126 myrtilles en 1 minute, ah, donc du coup quasiment gobé 126 myrtilles en 1 minute. Ensuite, Je la crois personne qu'elle qui a a fait fait les quatre hula hoop, indigestions en même temps. de quoi? Je crois qu'elle a fait quatre indigestions en même temps, mais. La personne qui a fait le plus de hula hoop en 1 minute s'est amusée à juste en faire 67 en 1 minute. Le popcorn, je vous l'ai dit, ça a été 48 popcorns qui ont été mangés. Seulement, entre guillemets, seulement 30 tractions ont été faites en 1 minute avec le poids de 27 kilos. J'aime appuyer sur le fait qu'il en fait que 30 en 1 minute avec 27 kilos dans le dos, sachant que moi, j'arrive pas à en faire 10 en 1 heure avec zéro de poids dans le dos. Et surtout qu'on compare avec des gens qui mangent des myrtilles, donc c'est vraiment. Oui, effectivement. Et la dernière personne donc qui a coupé donc le plus de pommes tenues dans la bouche avec une tronçonneuse, on a coupé 25 en 1 minute et je pense que c'est quand même une performance en soi. Il faut Je pas te se rejoins louper, là-dessus. Parce que j'aurais un petit peu trop peur de me prendre un coup de tronçonneuse dans la figure. hein. Et malheureusement, c'est ainsi que s'achève cette émission de Mi-Science Impossible. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez venir vous y poser vos questions et nous vous y répondrons peut-être dans une émission future. On se retrouve dans 2 semaines, le vendredi 19 mars, toujours à 16 h, et cette fois, nous aurons un invité de marque. Nous comptons sur vous. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Salut à tous, à bientôt! À la prochaine!